biki singa ye mokonzi Yesu ye mokonzi Kumbisa ye ye mokonzi Yesu ye mokonzi Jesu est le chemin Il est la vie Il est la vérité Il est le Ressuscité, il le voit, et Jésus le voit, il a vaincu, il le voit, et Jésus le voit, Jésus est le roi, oh Jésus est le roi. Jésus est là, Yanni Foyo, Yanni Kedika, Yanni. Yeah, yeah, yeah.